Attends, non, mais franchement, Vincent, tu fais ton boulot ou tu fais pas ton boulot, là? Tu fais quoi? Bah, c'est... Mais vous les auriez pas trouvés, de toute façon. C'est inadmissible. Nice. Alors... Ça, je le garde. Je le garde. Tu ne l'as pas commencé. Si, si, ça a commencé. Pas dit que ça a commencé. Mec, ça me servira de clap pour la synchro. Alors, ah, oh, je déteste. Et on est parti. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. On est tous. Sur l'internet, bonsoir. Ça n'a pas d'importance finalement. Oui, exact. Le jour et la nuit. Vous nous écoutez le matin, vous nous écoutez à midi, vous nous écoutez l'après-midi, vous nous écoutez le soir, vous nous écoutez en début de nuit, vous nous écoutez la nuit. C'est beau, bon, c'est peut-être un peu long, mais vous nous écoutez tout le temps. C'est hyper beau. Alors, on est sur le 18e épisode de La Bonne Franquette déjà. Et petit retour vite fait, vous avez été très nombreux sur le live mardi dernier. Alors on avait dit qu'on le ferait mercredi, on l'a fait mardi finalement, puisque mercredi j'étais en déplacement à Enghien-les-Bains, dont le maire s'appelle Philippe Sueur. On le rappelle, gros big up au maire d'Enghien-les-Bains. Et du coup, ouais, voilà, franchement, c'était vraiment cool. On a notre modérateur ici, Ben, oui. Bonsoir, que l'on va introduire après. Comment ça, dans tout orifice possible. Ouais. Tu viens de m'introduire là, donc. Ouais, exact. non, mais effectivement, c'était très très cool. Vous avez été nombreux à répondre à l'appel. On s'est retrouvés. En tout et pour tout, il y a eu 60 personnes qui sont passées sur le live. Qui sont passées. On a parlé avec 5-6 personnes, avec en plus le chat et tout. C'était très très cool. Franchement, ouais. On était en moyenne à quoi, 12 personnes. Ouais, on a fait un pic à 16 et puis 16, on était entre 10 et 12, effectivement. De moyenne, de viewer. Ouais, franchement, ça fait plaisir. 10 personnes qui t'écoutent comme ça. En plus, c'était constant. C'est-à-dire que ce sont des personnes. Il y a eu un roulement probablement, mais en grosso modo, il y a eu 10-12 personnes jusqu'à la fin pendant les 2h20. Et c'était cool pour un podcast comme ça, sans prétention, par deux gars fait. Bon, on est un peu prétentieux nous-mêmes. Alors, le podcast ne l'est pas, mais nous. En soi, on l'est un peu. En soi, ça reste le meilleur podcast de l'univers. Ça reste le meilleur podcast. Je l'avoue. Ça, tu l'avoues, bien sûr. Bah voilà. Il est totalement impartial. Hein. On l'a pas payé. De toute façon, il prendra le chèque. Non, on va pas le payer. Il a les droits de modérateur. Attends, on va quand même pas le payer en plus. C'est un mal. Quoi? Attends, non, mais ça va. D'ailleurs, cette semaine, on a encore été élu meilleur podcast de France. Ouais. Nouvelle délégation. Alors, mais c'est Rhône-Alpes cette fois. C'est qui déjà qui fait ça? Alors, la semaine dernière, c'était Gérard Depardieu, Gérard Jugnot et Squeezie. Ouais. Et cette fois-ci, on était dans les Rhônes-Alpes. Les Rhônes-Alpes. c'est un département caché de la France. Ouais. Et justement, comme il est caché, c'était Daniel Craig, Pierce Brosnan et Sean Connery. Voilà, que des James Bond. Exactement, qui était jury podcast. Et on a été élu meilleur podcast de France. Franchement, bah merci les James Bond, okay, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. T'as pas dit Daniel Craig juste parce que c'est ton goat? Celui que tu préfères? Non, il n'y a pas de... Après, bon, Daniel Craig, c'est quand même la meilleure chose qui existe, mais... Après le podcast, quand même. Non. Non. Non, il est mieux. Moi, je trouve que Daniel Craig est un meilleur podcast que La Bonne Franquette. Quoi? Voilà. Mais il fait... Il fait même pas de podcast. Il fait même pas de podcast. Lui-même, c'est un podcast. Exactement. Bref, trêve de bavardage. On en fera un toutes les deux semaines. On va essayer de s'y tenir parce qu'on n'est pas toujours sur Strasbourg. Là, par exemple, la semaine qui arrive, je suis pas là une bonne partie. Je suis dans le sud de la France. Ça fait plaisir, un peu de soleil. Ouais. Côté ressources. Alors, bon, aujourd'hui, il faisait très beau. C'est très beau. Ouais, mais il commence à faire frais. Hein. Ouais. Et je suis un frileux. Je sais pas, par rapport à vous, est-ce que vous êtes des frileux? Moi, ça va. En général, ça va. C'est vrai? Ouais. Quand même un peu. Hein. C'est vrai, pourtant, tu es... Alors, particularité de l'invité de ce soir, belge. Exactement. Donc, les frites. Donc, quoi? Toujours les frites. Toujours les frites. Donc, les frites. Juste, tu peux peut-être tenir ouais, le je micro pense, un peu plus haut. T'en, au lieu t'embête de... pas, reste ouais. droit, parce que tu as développé une scoliose, mon pote. pardon. Du coup, invité de ce soir, bonsoir. Bonsoir. Ben... alias Kiss Killer, alias... alias Gunagan. Alias trop de pseudos que l'on ne va pas développer. mais Kiss Killer avec un 3 et un 1. Exactement, ouais. Ça fait un peu kikou. Mais bon. Le bisou tueur. Alors, qui es-tu, d'où viens-tu et surtout, pourquoi un pseudo nul à chier comme ça en fait? Alors, je m'appelle Benjamin Salmon, voilà, je suis... Salmon comme le saumon en anglais. Comme le saumon en anglais, exactement. Je suis belge, né en Allemagne, pour ceux qui ne savent pas. Donc un nazi. Non, exactement. On avait dit qu'on arrêtait avec ça. Et je Alors, pourquoi un pseudo aussi nul? Oui. Non, non, on va voir. Non, ok, d'accord. Donc, ouais, je savais pas que t'étais né en Allemagne. Si, si, si, si. Ok. Et comment ça se fait? Est-ce qu'on veut savoir pourquoi tu es né en Allemagne? J'ai pas eu le choix, désolé. Hein. Okay. Ça arrive. Non, mais père militaire, donc déménagé souvent, et du coup, je suis né en Allemagne quand il était en Allemagne. C'est vrai que t'as encore déménagé récemment avec son travail. Ça doit pas être facile d'être un enfant dont les parents sont souvent mutés ou en déplacement. C'est une vie, hein. Alors, c'est une vie, mais tu vois, ça veut dire à chaque fois s'adapter dans un nouveau collège, une nouvelle école. Attends, mais tu tiens pas sur la table. On l'a tous vu. J'ai fait... Mettez au ralenti et profitez. Faites des mèmes. Je veux des gifs de 25 minutes. Et vous mettez une légende, genre. Quand mon banquier vient me voir en me disant, bah alors. Il dit juste, bah alors. Je suis fébrile. Bah moi, il me dit juste ça et ça suffit. Ça te fait mal. En même temps, tu as développé une relation quasi intime avec ton banquier. Il t'appelle très souvent. Il me voit tellement tous les jours qu'effectivement, on vit ensemble. On s'est paxé avec mon banquier. Du coup, les enfants. Mais c'est juste lui qui prend l'argent, en fait. Il y a pas d'enfant, il prend juste l'argent. Saloperie de banquier. Non. Non, monsieur. S'il regarde la vidéo, big up. Non, monsieur Gorillac, on est. Monsieur, attends, mais c'est mon propriétaire, ça. Il s'appelle. Tous les gens qui sont dans ma vie ne s'appellent pas Gorillac, par exemple. Je n'appelle pas Vincent Gorillac. Non, je m'appelle pas comme ça. Ah bon. Du coup, aujourd'hui. On peut commencer par le traditionnel. Rap ou pas rap. Rap ou pas rap. Qui est aujourd'hui, pour une fois, une date anniversaire du rap ou pas rap. Oui, effectivement. C'est à fêter, je pense qu'on peut applaudir. On peut applaudir ça. Ben, n'hésite vraiment pas à parler vraiment proche du micro, tu vois. Proche du micro, comme ça. Exact, nickel. Attends, je vais même monter un petit peu ton son. Vas-y, parle. 1-2-1-2-1-2. 1-2, superbe, incroyable. Parfait. Du coup, oui, rap. Rap ou pas rap. Alors qui aujourd'hui, est sûr, c'est une. Est-ce que tu peux le dire, l'édition en anglais, genre it's a edition. It's a Eminem edition. Nice. Wow. Bon, c'est il y a pas old que school. Du Eminem. Ah, c'est vrai. Non. Ah, ouais. Tu nous as menti. C'est du coup du rap ou pas rap. Vous allez me dire si c'est des paroles tirées de rap ou de pas rap. D'accord. Donc soit c'est moi qui les ai écrites, soit je les ai trouvées ailleurs que dans le rap. Vous devrez trouver tout cela. Ainsi que si vous l'avez, le nom du chanteur. Okay. Et là, ça vous fait 9000 points. 9000. Et sinon, si vous trouvez si c'est du rap ou pas rap, c'est 0,5 points. Attends, mais c'est pas le titre plutôt qui fait 9000 points et le nom, c'est 0,5. Le nom, c'est 0,5. Ouais, j'en suis sûr. Répète les règles pour que ce soit très clair parce qu'avec moi, ça n'allait jamais. Alors, si on trouve le nom du chanteur, 0,5 points, et si on trouve le titre, 9000 points. Donc, il y a toujours moyen de revenir dans le game. Hein, voilà. Et donc, du coup, ça fait plaisir puisque ça veut dire que cette semaine, c'est une édition de Rap ou pas rap qui respecte l'essence du jeu, c'est-à-dire parler de rap finalement avec des pièges. Après, j'ai pas tous les titres. Attends, non, mais franchement, Vincent, tu fais ton boulot ou tu fais pas ton boulot là? Tu fais quoi? Bah, c'est. Mais vous les auriez pas trouvés de toute façon. C'est inadmissible. Okay. J'ai les titres pour Eminem, mais j'ai pas le reste. Allez, commençons, c'est parti, let's go. Alors. Je vise la lune, mais je suis trop occupé à contempler les étoiles. Rap ou pas rap? Alors du coup, c'est traduit. Alors c'est quoi? C'est français? C'est traduit. Traduit. Tout donc est c'est traduit. Traduit en français, okay. À part ce que j'ai fait, évidemment. C'est Sheriff Aluna, avec son titre « Viser la lune ». Non. Ça me fait pas peur. Rap, hein. Non. Tu dis pas rap? Ouais. Toi, tu dis quoi? Mais c'est traduit un peu comique ou traduit littéral? Non, c'est traduit littéral. Enfin, c'est bien traduit. Attends, mais tu sais pas une once de ton jeu, en fait. Non, mais c'est juste traduit, okay. Normalement, c'est ce que ça veut dire. Ok, tu peux répéter cela? Je vise la lune, mais je suis trop occupé à contempler les étoiles. Contempler, ça fait pas très rap, j'avoue. Ou alors, faudrait que ça soit un rapper, style Kendrick Lamar, tu vois, qui ont une certaine finesse dans leurs lyrics. Mais du coup, je dirais pas rap. Eh bien, c'est faux. Ah. C'est Eminem. C'est vrai? J'aurais pas dû le dire. Vous auriez dû essayer de trouver. Exact. Et du coup? Bah, nickel. Du coup, c'est bien Eminem. Hein. Je vise la lune. Ok. Mais je suis trop occupé. Est-ce que tu as le titre quand même? J'ai le titre de celui-là. Est-ce que vous pouvez le trouver? C'est une chanson assez connue de lui. Hein. Quel album? C'est Recovery. Ah ouais, je l'ai pas tellement écouté. Je vois la pochette par cœur, mais je l'ai pas tellement écouté. Effectivement. C'est vraiment une très, très connue de lui. Alors, je pense que c'est Monster. Non. Toi, t'as pas de titre, Ben, qui te vient en tête de très connu de lui? Je pense c'est... Pense peut-être pas à Recovery, pense très connu de Eminem. Mockingbird? Non. Aucune idée. Survival? Non, eh bien, non. C'était Not Afraid. Okay. Ah ouais? Ah oui, I'm Not Afraid. Ok, d'accord. Voilà, très bien. Exactement. Next one. Alors... Please, vous avez vu, je parle anglais, car je suis bilingue. Hello. Ton absence est la pire des présences. Ça, c'est Nekfeu. Oh, putain. Donc, rap français. Wow. Et c'est dans... Je sais plus ce que c'est. Je crois que j'ai trop saigné Nekfeu récemment pour le trouver précisément. Mais bon, en tout cas, ouais, c'est sûr. Bah, j'ai pas le titre, désolé. Ah merde. RIP Nekfeu. Hein. RIP Nekfeu. Exactement. Du coup, t'as trouvé le. 0,5. Du coup, que c'était du rappeur. T'as trouvé que c'était du rap plus le rappeur. Ouais, donc, mais. Ça te fait combien? Un point, non? Bah, on avait pas fait de points pour si on trouve le genre. Ah, ok. Donc, je te laisse inventer une règle à ce niveau-là. Bah. Si tu trouves le genre. Tu as le droit de prendre une gorgée de ce breuvage qui est sans doute autre chose que de l'eau. Ouais, bon, c'est pas parce qu'il y a écrit bière blonde que c'est... Non, c'est pas d'alcool du tout, ou là. Bière d'abeille, limonade. Non, bien sûr, buvez avec modération, toujours. Exactement. Ça fait plaisir de t'entendre, on se met bien, mais voilà, pas jusqu'à l'excès. Oui, en plus, pour le sport, c'est vraiment pas bon, hein. Attention. Exact. Effectivement. Et on est quand même le premier podcast sur le sport en France, donc on le rappelle. Podcast sport et nutrition, en bonsoir. Direct de Basic Fit. Hein. Exact, qui a bien changé d'ailleurs Basic Fit. Bah, ils ont des tableaux d'étudiants que tout le monde a. Mais putain, je savais que t'avais critiqué encore. Mon magnifique tableau, il est hyper beau. Il est tellement original en plus. Alors, ouais, bon. Troisième lyrics. Alors, troisième lyrics, c'est « Je t'aime sans langue de bois, je t'aime depuis la première fois ». Je t'aime sans langue de bois. Sans langue ouais. de bois, sans déconner. Sans langue de bois. Et c'est... T'as pas trouvé mieux? Moi, je sais pas. Rap, hein. Tu dis pas rap, je dis que c'est toi qui l'as fait. Je sais pas, ça fait... T'en as inventé certaines? J'en ai inventé une. Je t'aime sans langue de bois, je t'aime comme la première fois. Ouais. Putain, c'est... C'est du Vincent tout craché, s'il te plaît. Non. Je sais pas, j'ose espérer... qu'il n'utilise pas l'expression « sans langue de bois » quand il déclare sa flamme, parce que... Il fait un succès. Eh bien, comment vous dire je donne ma langue au chat à ta langue de bois. Bah, écoute, c'est Ben qui a gagné. C'est vrai, c'est toi? Oui, c'est moi qui ai écrit ça. Mais c'est parce qu'il y a des punchlines d'amour dans ce que j'ai. Non, non, mais il y a pas de souci. Tu es un romantique et c'est tout à ton honneur. Ah ouais. Un homme délicat, raffiné. Tu es délicat, raffiné. Tu es du chaud chocolat. Chocolat. Exactement. Bah, les références. C'est ma couleur de peau. Hein. De toute façon. Ça n'engage que toi. Ouais. Alors, du coup. Du coup. Être roi. Attends, mais du coup, t'as gagné combien de... t'as gagné le droit de boire une gorgée, du coup. Ah oui. Ah non, c'est toi l'artiste. Donc, t'as le droit de boire une gorgée et tu t'as 0,5 points. Vous avez 0,5 tous les deux. D'accord. Wow. Je suis obligé de boire. Ah oui, c'est ton lot. Hein. Si tu gagnes, tu te saoules. Oh. Alors, la prochaine, gagner, c'est. De quoi? On n'est pas prêt de gagner. La prochaine, c'est être roi, je ne pense pas. Pourquoi c'est être le roi, Lyon. Roi quand tu peux être un dieu? Non, c'est Eminem Rap God. Waouh. Yes, donc j'ai même pas le temps de parler. 9,5 points. 9,001 points. It's over 9,000. Et t'as trouvé l'artiste, donc tu peux boire une gorgée aussi. Oh là là. Oh là là. Le genre, tu veux dire. Rap. Oui, pardon. Ok, donc t'as 9,001 points avec à des 0, règles 0, très claires, comme vous pouvez le voir. Bon, il t'a un peu distancé là, mais un c'est rattrapable. Ah bon? Sachant que c'est la dernière question, on est bien d'accord. C'est la dernière question. Wow. Ça me semble compliqué. Sauf si tu trouves tout, c'est impossible. Voilà. Laisse-moi une minute. Ah bah non, parce qu'il peut faire que 9,005. Après, il y a les. Oui. Après, il y a le podium qui réserve toujours quelques surprises. Quelques surprises, on le rappelle. C'est vrai. Alors, je vise. Non, attendez, j'ai déjà fait celle-là. Oui, donc, tu l'as déjà fait. Celle-là. C'est. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. En tout cas, c'est joli dans la rythmique. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. C'est joli dans la rythmique. C'est pas rap, mais je pense que ça existe. Mm-hmm. Bonne piste. Ok, donc déjà, t'as le droit de boire. Donc, merde. Ça existe, ok. Donc, c'est pas toi. Non. C'est pas rap. C'est pas rap. Tu peux répéter, s'il te plaît? Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Allez, je vais dire. Attendez, je vais peut-être vous donner quelques indices quand même. Oh, le retournement de situation. Alors, c'est une femme. Oh. Et c'est pas rap. Ça réduit le champ des possibilités, j'avoue. C'est Céline Dion. Exact. Wow, bien bravo. Joué. Ouais, je me disais. Ouais. Je sais pas, en fait, je sais pas si inconsciemment ça me dit quelque chose, mais en tout cas, ça sonnait Céline Dion. C'est exactement Céline Dion, bravo. Est-ce bien que joué. Tu peux le dire avec l'accent canadien raté, bien sûr, car on est. Je trouverai tes langages pour chanter tes louanges. C'était parfaitement réussi. Ouais. Non, non. Par rapport à ma consigne, c'était réussi. Exactement. Bon bah voilà, donc on peut récapituler les scores. C'est peut-être l'eau qui est un peu compliquée, hein, qui je pense, tape sur le système. J'ai de nouveau, j'ai nouveau fait ça. Jamais 203, fais attention. 9001,5 pour toi. Yes. 0,5 pour toi. Aïe. Mais il y a les points bonus qui te rapportent 15 000 points. D'accord, merci. Bien joué. Et qui sont, parce qu'il y a une raison à ces points bonus, je m'en ai dit que les chips que j'ai achetées étaient très bonnes. Ah, elles sont très bonnes. Oui. 15 000 points. Oh, je repasse en tête. Non, victoire. Il finit en tête, bravo, victoire. Bien joué Quentin. Alors j'aimerais dédier cette victoire à ma mère, bien sûr, qui m'a toujours soutenu. Dédicace Céline, qui n'est pas Dion cette fois. J'avais pas forcément envie de name drop ma mère, mais pourquoi pas. Je pense que Patricia et Jacques sont tout à fait heureux. Alors quoi. Non, c'est pas mes parents, c'est... Bah écoute, félicitations. Bravo à vous deux. Merci première place et deuxième place. Peut... Vous êtes tous les deux sur le podium. Mmh, et ça, exactement. C'est fort. J'adore. Ah, voilà. Exactement. Excuse-moi. Ça fait plaisir. Je vais me lécher les doigts. Alors, au fait, on a décidé d'un commun accord de faire d'arrêter le podcast, de faire des épisodes un peu plus courts. Bon, au revoir. Hein. De faire des épisodes un peu plus courts. Le dernier faisait 1h30. C'est peut-être un petit peu long, il n'y a pas tout le monde qui a le temps voilà, d'écouter des trucs pareils. Certes. Et du coup, on va essayer de dossier entre 45 minutes. Sachant qu'on minutes, on est toujours à la bonne franquette, donc c'est aussi au feeling, bien voilà. Sûr. On n'a pas envie d'être trop pressé. En fait, on est un peu coincé entre le faire un format qui puisse être regardable, parce qu'une vidéo de 10 heures, bon, on ne va pas se mentir. Mais on aimerait bien. On pourra faire un petit live de 24 heures un jour. Je pense qu'on pourra faire un marathon et tout, mais on va attendre de grow up un peu. Mais c'est cool. Le podcast prend un petit peu. Le podcast prend un peu plus d'ampleur chaque semaine. On a des projets qui arrivent, très intéressants. Ça va être cool. On a des belles collaborations qui arrivent aussi, donc c'est cool. On fait notre petit bonhomme de chemin. Si je peux placer une belle. Une ref à Céline Dion. Surtout une référence à la langue française, finalement. C'est vrai. Le petit bonhomme de chemin. Le petit bonhomme de chemin. Qui a coulé car il était dans le Titanic. Alors, nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui nous concerne tous les trois, qui est celui de la paternité. non, qui est celui, ah bon qui est celui des technologies dans le jeu vidéo. Ouais. Donc, passé, c'est bien ce dont on avait parlé. Pour moi, c'était plus la cohésion. La cohésion. Cohésion dans les jeux vidéo, tu vois, on avait parlé de Counter-Strike et tout. Si t'as des bons teammates. Mais, et du mais, coup, n'est-ce pas limité comme. Et du coup, étendre ça à la cohésion dans le travail, dans ce genre de choses, tu vois. La cohésion dans les groupes d'amis. 30 minutes sur ça, tu vois. Non, je sais pas. Ah, mais ça pourrait se faire. Bah, on peut alors, faire ce que prenons les deux. Prenons les deux. On a qu'à commencer par un petit peu de points tech. L'épisode va durer 3 heures. Non, un peu de points tech. Donc, on a qu'à parler très rapidement d'un truc qui nous a bluffé ces dernières années ou dans notre enfance, tu vois. Ouais. Et puis après, on enchaîne sur, par exemple, comment ça peut aider encore plus à créer de la cohésion entre les joueurs. Parce que c'est vrai que les jeux multijoueurs. Notamment ceux où il y a un principe d'équipe, demande beaucoup de cohésion. Exact. Un principe de compétition, oui, mais tu vois, t'as des, par exemple, PUBG, t'es solo, ouais. Tu vois. Bah, t'as aussi des équipes. Il y a des modes d'équipe, ouais. Ah ouais. Je connais très peu PUBG. Bah, c'est comme Apex, en fait. Bon, Apex, maintenant, il n'y a plus le mode solo, mais... Attends, mais c'est comme Apex, pourquoi tous les gens jouent à Apex, alors? Bah, ce que je rappelle, personne c'est comme n'aime Apex, PUBG, mais en moins bien. Vous allez me frustrer hein, là, parce que vous êtes en train de cracher sur PUBG. Car Ben est un excellent joueur de PUBG. On peut dire que tu as remporté une finale mondiale quand même de PUBG. C'est exactement, universelle aussi. Ouais, donc, universelle dans aussi. Tout l'univers, exactement. C'est le même jury d'ailleurs qui a décidé qu'on soit le meilleur podcast de l'univers. Alors, celui de cette semaine ou de l'année dernière? De la semaine dernière. C'est celui de la semaine dernière avec Gérard Junior. Ok. Qui est aussi un gros joueur, un gros gamer. Oh là là, ouais, franchement. Il est si fort. Gérard Gamer, comment je crois qu'il est Nova 1 dans. en CS1. J'ai déjà vu tous ses streams, franchement. C'est vrai. Ouais, gros joueur. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus haut niveau que Nova. Je sais, mais j'ai pas plus haut, moi. D'accord. Il est gardien étoilé, 3 étoiles. Il est bronze. Michelin, je pense. Mais en fait, moi, j'ai un petit peu un passé de gamer, voilà. Et toujours un passé et un présent de gamer. Non, mais j'ai joué à pas mal de jeux vidéo et en fait, je me suis rendu compte de la... J'ai beaucoup joué à Call of Duty, à Battlefield, etc. Et en fait, le moment où j'ai remarqué que pour gagner, il fallait de la cohésion d'équipe, c'est quand... ce qui m'a bluffé, c'est quand je suis allé la première fois sur Counter-Strike en jouant avec Quentin, c'était il y a déjà deux ans, je pense. CSGO ? Ouais. Et en fait, je m'attendais pas à ça, mais quasiment tous les joueurs avec qui on tombe quand on se met en compétitif et tout, même en bas niveau, ont un micro et en donnent des instructions, disent ce qui se passe sur la map, genre il y a un joueur qui est à ce niveau-là et tout. Les lieux ont des... Enfin, les maps ont des lieux spécifiques avec des noms. Et il y a des techniques d'approche pour chaque lieu. Et voilà, tout, c'est ça. Exactement. Très intéressant. Et du coup, j'étais vraiment bluffé de voir ça. Moi qui jouais énormément à des jeux multijoueurs en FPS et tout avant, j'avais jamais vu ça. Et là, alors des fois, ça, on crée un peu des liens avec les autres teammates quand ça se passe bien et tout. Mais des fois, on tombe avec... Il y a beaucoup de Russes sur le jeu. Des Russes qui ont des micros, qui font des bruits de ventilateur finalement. C'est vrai que, je vais dire honnêtement, la communauté la plus toxique, je pense que c'est les Français et les Espagnols. Ouais. Mais ceux qui, la communauté la plus bizarre sur les jeux, c'est vraiment les Russes. Genre, il y a un truc, je sais pas pourquoi, probablement l'alcool. Non, mais effectivement... Ils ont que ça à faire, donc ça développe un petit... Ah, on ne fera pas de débat socioculturel ce soir, mais effectivement, le fait est que... en tout cas, de mon expérience, les Russes sur les jeux vidéo, c'est un sacré délire, mon pote. Hein. Par contre, effectivement, je pense que t'as mis le doigt sur quelque chose d'assez important, dans le sens où, d'assez spécial, dans le sens où CSGO et CS, la franchise en général, ouais, est quand même extrêmement prise au sérieux, tu vois. Ouais, ouais. Y a très peu de casual qui font du compétitif, tu vois. C'est ça. Bah, je pense que, déjà, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, c'est l'un des premiers jeux à avoir fait vraiment de l'e-sport compétitif. Que ce soit en LAN. En LAN, exactement. Ouais. Après, les autres jeux du genre Dota, League of Legends, etc. se sont mis, mais... Tout le monde, pour avoir fait un petit sondage avant de parler de ce sujet dans la bonne franquette, effectivement, tout le monde n'est pas au fait du langage du jeu vidéo. Ah, oui, effectivement. Donc, juste pour resituer, les LAN, en fait, c'est des regroupements. En fait, c'est des tournois où tout le monde vient avec son PC ou pas. Des fois, il y a du matériel sur place. On se regroupe sur un même réseau local, donc en câble Ethernet. C'est le retour du rap français. On a eu un problème de batterie, finalement. Un petit souci, oui. Très bizarre, n'achetez pas des piles low des cost, Lidl, ouais. Car elles fonctionnent mal, visiblement. Du coup, nous parlions effectivement de l'envergure très spécifique de CS en général, puisque de base, Counter-Strike, puisque de base, effectivement, le jeu est pensé compétitif. C'est ça. Parce qu'il n'y a même pas de moyen de viser, on peut tirer qu'au jugé. Pour ceux qui n'ont pas forcément joué au FPS, c'est-à-dire au jeu de tir, on peut soit prendre l'arme et viser avec la mire, soit tirer au jugé, c'est-à-dire comme si on avait une arme et qu'on tirait comme ça. Et CS n'a pas de la possibilité de viser à la mire, en fait. Pas sur toutes les armes. Mais il a un gameplay assez spécial, mais très basique. Un peu rigide, je trouve. Un peu quoi ? Un peu rigide. Un peu rigide, mais je trouve qu'il fonctionne bien. Enfin, ouais, en dans fait, son style, il est vraiment très très bien. Il est très cadré, tu vois. Il y a pas de déjà, t'as pas le kill streak, c'est-à-dire t'as pas de super pouvoir à chaque fois que tu fais. En fait, ouais, t'as pas de fioriture. Il est très. En fait, il est épuré, tu vois. Genre, c'est l'essence du. Par exemple, tu peux pas courir. Tout le monde va à la même vitesse tout le temps. Tu peux marcher, tu peux t'accroupir. Ouais, et ça des côtés tactiques. Si on marche, on fait pas de bruit. Voilà. Non, on fait pas du tout de bruit. On fait pas de bruit du tout. Si on marche rapidement, on fait du bruit. Si on s'accroupit, on fait pas de bruit. Mais en plus, on vise mieux. Si tu tires en étant debout, tu tires moins bien. En mouvement, c'est encore pire. Enfin, voilà. Je vais dire dans la logique des choses. Bah, c'est pas le cas de beaucoup de FPS. Hein. Oui, oui. Je pense que tu parles de réalisme, non, c'est ça ? Oui, voilà, du réalisme. Comparé à la vraie vie, ouais, c'est ça. Comparé à la vraie vie. Mais je pense que, oui, le but de CS, c'était de faire un FPS le plus... Donc, un FPS First Person Shooter, pour ceux qui ne savent pas. Bon, le plus simple et le plus réaliste possible. Pas avec, comme dit, voilà, dans Call of Duty ou quoi, d'avoir les killstreaks, etc. Mais oui, je pense que c'est... Mais je me pose la question de... Est-ce que c'était une envie de base de faire quelque chose de compétitif, ou alors de fait, avec les limitations de l'époque, ils ont sorti un FPS comme ça, parce que je vois mal un FPS à l'heure de CS 1.6, tu vois, permettre de faire, par exemple, au bout d'une certaine série de victimes, de balancer des robots dans un bombardement. Tu vois, bon. Ouais. Non, je pense pas. Les gens qui ne suivent pas ça doivent être perdus. On est désolé. on parle un petit ou peu. Ou pas du tout. Oui, peut-être. Il y a peut-être vraiment des gros gamers. Des gros. Des geeks. Ouais. arrête. Wow. Des, comment on appelle ça? Des pro-gamers parmi nous. Enfin, c'est parmi vrai. Notre public. Et puis voilà. Donc effectivement, CSGO et la franchise CS, donc Counter-Strike, il y a une vraie dimension de compétition qu'on retrouve dans des vrais sports collectifs, notamment le basket, le foot. Il y a de la stratégie, on ne met pas n'importe quel joueur à n'importe quelle place. Non, c'est vrai. La communication est extrêmement importante. Tu parlais avant du fait que les gens utilisent leur micro et c'est un avantage tactique qui est exceptionnel. Oui. Exactement. Si tout le monde utilise son micro dans l'équipe et donne les infos, oui. On a vraiment un gros avantage sur l'équipe adverse. Oui. Parce que ne rien dire... Bon, aujourd'hui, dans les jeux, on peut ping, c'est-à-dire pointer. Montrer sur marquer, la carte, ouais, marquer, faire des repères qui sont souvent sonores et visuels, donc les gens arrivent à voir, ah, ok, il y a ceci, il y a cela. Maintenant, on peut aussi taper, mais ça fait perdre du temps, c'est pas pratique. Et puis après, t'as le vocal, donc le chat vocal, et tu peux dire ce que tu veux, quand tu veux. C'est très pratique. Ou très très chiant. Ou très très chiant, effectivement. Mais en compétitif, généralement, les gens sont carrés, ils disent site bombe à. Mais il y a des gens qui. C'est ouf parce que ça reste quand même un jeu, même si c'est compétitif. Et en plus, on n'est pas au niveau. Et il y a des gens qui prennent ça vraiment très sérieusement et qui insultent carrément si tu fais pas ce qu'ils ont demandé. Ah ouais, alors là, c'est les communautés cancer des jeux vidéo. En toute franchise, si vous avez joué à League of Legends, je pense que vous avez échappé à l'asile de fous. parce que honnêtement, j'ai joué à beaucoup de jeux dans ma vie et j'ai aucune communauté, je trouve, plus cancer que League of Legends. C'est incroyable. Heureusement qu'ils n'ont pas mis le chat vocal sur League of Legends parce que là, franchement. Je sais pas si tu te souviens, mais à une époque, il y avait le chat vocal. Ils avaient mis un add-on qui était devenu très populaire et tout. Donc un add-on, un logiciel tiers. Attendez, renseignez-vous un peu, ok. Mais effectivement, il y avait un logiciel qui permettait de repérer les joueurs tout seuls dans la partie et du coup, on pouvait parler avec eux et tout. C'était très pratique, mais bon, je trouve qu'il n'y avait pas trop de débordement. Par contre, effectivement... Dans le chat, ça... Dans le chat, ça y va. Hein. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer à League of Legends. Juste à cause de la communauté. Mec, c'est insupportable. Tu peux pas faire 100 matchs sans qu'il y ait quelqu'un qui pète un câble. C'est vrai. C'est incroyable. Et c'est extrêmement dommageable pour l'expérience de jeu, tu vois. Quand tu joues à un jeu vidéo, tu cherches plusieurs choses, soit l'immersion, soit la compétition, soit peut-être les graphismes. Et puis, juste avoir quelqu'un qui dit tout le temps « OMG, noob », qui va se suicider avec les ennemis, donc qui leur donne des points, ce qui leur permet de s'améliorer, alors que toi, t'es en mode « Ok, qu'est-ce que je fais ?» Enfin, c'est terrible, en fait. Tu peux pas jouer dans ces conditions, tu vois. Non, franchement, non. Et malheureusement, League of Legends est rempli d'une communauté comme ça. C'est terrible, terrible. C'est dingue, les communautés sur les jeux vidéo. Moi, je me souviens aussi de Call of à l'époque. Il y avait, bon, je dis ça, j'y jouais, j'ai commencé à, je sais pas, 13 ou 14 ans, donc j'étais aussi un pige, hein, comme on les appelle, un bon gros pige. Exactement. Je vais te niquer ta mère. Exactement. tous les mais enfants de 12 ans qui t'insultent. Il y a tellement d'enfants qui jouent et qui insultent tout le monde, c'est incroyable. Ça, c'est la barrière de l'écran, hein. Qui permet beaucoup de choses. Qui s'est justement développé avec ces jeux vidéo et etc. Donc, Internet en globalité quand même. Hein. Oui, Internet en globalité. Parce que même quand tu vas sur des forums, ça peut être assez virulent. Enfin, les réseaux sociaux, j'en ai pas. On reparle de cyberharcèlement. D'ailleurs, dans un des précédents podcasts, j'ai un petit mea culpa à faire. J'étais très incisif, très tranchant sur le fait que le cyberharcèlement. Enfin, je pouvais laisser penser que ça n'existe pas, alors que c'est une chose qui existe, mais il ne faut pas oublier que vous avez la possibilité de supprimer votre compte, de suspendre votre compte, etc. Et l'engrenage, c'est de se laisser aspirer dans tout ça. Et j'avais un message qui était un petit peu en mode « Oh là là, ça n'existe pas, il suffit juste de se déconnecter et tout ». Le problème, c'est qu'effectivement, après, ça peut être transmis à la réalité, etc. Donc, le problème est plus complexe que ça, mais il ne faut surtout pas se laisser entraîner par les réseaux sociaux. Et mon message, c'était vraiment de pas accorder trop d'importance à ça et que si on voit qu'il y a énormément d'insultes, etc., il faut prendre du recul, il faut savoir faire la part des choses On peut bloquer les gens, on peut les muter, on peut recréer un compte, on peut se déconnecter, prendre des vacances, ça fait du bien aussi. Voilà. Donc, je tenais juste à clarifier, le cyberharcèlement, ça existe, mais il faut pas, il faut aussi comprendre que ça part de soi, qu'on a un éventail de choix disponibles. Et qu'il faut ne pas hésiter à en parler avec ses parents, avec un proche, etc. On n'est pas tout seul, comme dirait ce bon Gradur. Exactement. Voilà, oui. Parenthèse close. Tu peux chanter vite fait, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Ça, c'est, attends, ça, ça, c'est gentil, ça. Il chuchote pas. Hein, si, mec, t'imagines un univers, un univers parallèle où en fait tous les gens tout le monde chuchote. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, mais écoute, on va faire le podcast comme ça. Arrête de crier. Ce n'est pas possible. Insupportable. L'ASMR. L'ASMR. Désolé à tous les gens qui détestent l'ASMR. Et par contre, je connais une super chaîne d'ASMR qui s'appelle ASMRD, ASMRD, qui est tenue par un certain Daniel. Ouais. Et franchement, c'est pas mal, pas mal. C'est vrai. En plus, il est bien petit. J'ai écouté, il est. Waouh. Il est plutôt beau gosse. Il est extrêmement beau gosse. Je pense que c'est l'homme le plus beau du monde. Hein. Il a peut-être un peu la grosse tête parce qu'il se vante beaucoup de ça, mais. Non, bah, tu le connais personnellement, toi? Ah ok, ouais. Moi je le connais pas. Ouais, je l'ai déjà rencontré, ouais. Okay. C'était sur des events hyper gros et tout. Des events d'ASMR, pris... hein. Ouais, d'ASMR. Il y a des conventions d'ASMR, c'est une vraie question. Et franchement, je pense et pas. Hein. C'est là que tout le monde chuchote dans les conventions d'ASMR. Mais ce serait bizarre si on les connaissait. Non mais ouais, parce qu'en plus, s'il y a des conventions d'ASMR, ils se parlent pas en chuchotant, tu vois. Ils parlent forcément normalement, donc ça n'a aucun sens, tu vois. C'est-à-dire que tu vas juste lui dire, ah pas mal, j'aime bien quand tu frottes le micro et tout. C'est trop bizarre, tu vois. Est-ce qu'il y a des conventions d'ASMR? Est-ce que tu peux frotter mes oreilles maintenant qu'on se voit en vrai? Bref, du coup, effectivement, donc compétition, j'écris ton nom. Waouh! C'est beau. Attends, mais t'es rappeur, toi. Bah, c'est et t'as des renvois. C'est une référence au poème de Jacques Prévert, Liberté. Mais ici, visiblement, on n'est pas des hommes de culture. Alors, merci. Merci beaucoup. Non, en plus, j'ai un trou de mémoire. Je ne suis pas sûr que ce soit Jacques Prévert. J'en suis quasiment sûr, mais vous me mettez le... J'ai le mort, comme dirait Larry. La puce à l'oreille. Du coup, la compétition dans les jeux vidéo, récemment, on a beaucoup joué à Apex. C'est exact. Qui est un jeu donc, qui se joue par team de 3. Oui. Ouais. Ce qui a changé quand même beaucoup de choses. Parce qu'avant, c'était 4. 2 ou 4, mais jamais 3. Justement, c'est pour ça que Apex est un peu sorti du lot. Du lot, exactement. Exactement. Ouais, franchement, et Apex, bon jeu, je trouve. Il se renouvelle pas beaucoup. C'est ça peut-être le seul souci, mais au niveau du gameplay, je le trouve vraiment très très bon. Ouais. On a la possibilité de faire beaucoup de choses en matière de déplacement. On a des c'est très dynamique, ça s'appelle, ouais. Très dynamique. Au niveau des déplacements, c'est très dynamique. On peut courir et glisser et ça va très très vite. Sauter pour aller plus vite et tout, des trucs comme ça. Pour ceux qui ont joué à Counter-Strike Source, il y avait un mode sur ce jeu qui s'appelait le mode RPG, le mode Warcraft, et qui en fait, donc on jouait normalement à Counter-Strike, donc très rigide de base, avec des règles très établies. Sauf que là, par exemple, quand on tirait sur quelqu'un, on pouvait vampiriser ses points de vie, on pouvait, on pouvait tisser des toiles, il y avait des classes qui s'appelaient Spider-Man et tout. Enfin, c'était vraiment un truc de ouf. Et c'était un mode Développé par, en fait tu pouvais l'installer sur ton serveur, tu vois, c'était développé par des joueurs et j'avais un serveur avec un pote, Thomas, si tu m'écoutes, du collège, on avait un serveur et tout, et franchement on s'amusait bien. Ouais. Et c'était vraiment trop cool, tu vois. T'avais fait même quelques vidéos. On peut pas plug ta petite chaîne YouTube là? Ah, ce serait bien. Hein, attends, quelle chaîne YouTube? Parce que j'en ai des milliards. J'ai des milliards. T'as des comptes partout. Et les toutes premières vidéos que tu m'as montrées, je sais pas. Laquelle? Franchement, je sais pas. En toute franchise, je sais pas. Je pense que c'était un gameplay sur justement CS ou un jeu multijoueur. Mais si, un t'avais, fait des... t'avais fait des vidéos sur CS, le report. Non, attends, ça c'est l'un qui était raciste. Non, mais. C'était. Alors, ouais, c'est vieux. C'était Fun Strike. Ouais, mais vous trouverez pas, elle est très mal référencée parce que j'avais 12 ans quand je l'ai faite en fait, donc forcément voilà. Mais je la mettrai en description pour les super, gens. Ouais. Super. Les débuts de ma carrière de réalisateur, puisque je ne joue pas dedans, j'avais demandé à un pote de faire l'acting et tout, c'était des sketchs assez minables, ratés en plus, donc voilà. Donc écriture et réalisation. Tu peux peut-être même le mettre dans ton portfolio. Hein. Alors, non. Il faut bien commencer par quelque part. Hein, exactement. Non, mais c'est effectivement... les gens me demandent souvent comment j'ai commencé. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension d'ailleurs, tu m'avais dit aussi que la première fois... je Je comprends pas. Hein, oui, mais c'est pourtant censé, donc. Pardon. Après, je peux peut-être arrêter. Mais, tu m'avais dit que la première fois que tu avais ouvert Photoshop, c'était pour faire. Pour Counter-Strike, c'est vrai. Pour Counter-Strike. Quand c'est j'ai. Ouais, parce que dans Counter-Strike, tu sais, tu peux mettre des tags. Oui, c'est-à-dire, tu peux mettre des images personnalisées au mur et tout. Alors, il y en a qui mettaient les images pornographiques, des trucs comme ça. Je l'ai fait aussi, j'admets. Je ne l'ai jamais fait, je te jure. C'est vrai ? Ouais. Bah, tu m'as probablement croisé en train d'en mettre, en tout cas. Parce que quand t'es un enfant de 14 ans. Ah, mec, quand t'es un enfant de 14 ans. Que tu sais que tu as le pouvoir de mettre une image comme ça partout où tu veux, dans n'importe quel serveur, par rapport à des joueurs qui n'ont rien demandé, tu dis « Ouais, c'est drôle quand même. » Et du coup, il y avait même des cartes, des maps, dont l'objectif, c'était ça. En fait, il fallait faire une série d'obstacles. Recouvrir toute la map, non ? Non, non. Et il fallait faire une série d'obstacles. Et si tu arrivais à la fin de la map, tu arrivais dans une pièce où il n'y avait que des trucs pornographiques et tout. C'était incroyable. Et nous, on prône la pornographie sur ce podcast. Non, c'est un fait en fait. Je suis reporter. D'accord. Tu es reporter ? Je suis reporter. Waouh. Non, mais voilà. Et effectivement, on pouvait donc mettre des images précises dans le jeu qu'on choisissait. Et j'ai commencé la première fois que j'ai ouvert Photoshop, donc que j'ai eu un contact avec ces logiciels de création. C'était pour faire un tag pour Counter-Strike, donc on peut dire que c'est un petit peu là que tout a commencé. Et je me souviens précisément, encore aujourd'hui, mais parfaitement au pixel près, de l'image que j'ai faite. Ah oui. Et c'était moche, hein, on va pas se mentir. C'était très très très moche. Donc, effectivement. Par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, un peu moins bien, quoi. Beaucoup moins bien. Aujourd'hui, j'ai perdu en niveau. Hein. Ça, c'est. Ah bon, ça, c'est wow. Donc je te laisse imaginer à l'époque. Hein. Ah ouais. Non, mais effectivement, quand j'étais petit, au niveau de la réalisation, en fait, je remontais des séquences de cinématiques de jeux vidéo. Mm-hmm. Je redoublais par-dessus, je faisais des blagues, machin et tout. Et c'est comme ça, effectivement, que j'ai commencé à faire du montage et tout. Donc, on peut dire que... Les jeux vidéo ont sauvé ma vie. Ouais, après, bon, c'est peut-être pas... Après, ils rendent violents et extrêmement psychologiques. Faut pas dramatiser comme ça, mais... Ben a déjà orchestré une tuerie aux États-Unis. Oui, effectivement. Quoi ? C'est faux. C'est faux. C'est extrêmement faux. Ne venez pas le chercher. C'est le mec le plus gentil du monde. Avec toi. Tu vas publier cette vidéo. Je vais aller bien avec les deux. La maison, les deux personnes les plus gentilles du monde sur le même podcast. Côte à côte. Incroyable. Wow, c'est magnifique. En tout cas, ça fait plaisir de ne pas compter parmi ces personnes-là. Et la pire personne. Et la pire. Mais il faut contrebalancer. Tu vois, je suis tellement noir qu'il faut deux personnes bien blanches, bien lumineuse. Et non, pourtant alors, t'essayes si tu de vois le racisme danse toi là. Et pourtant t'essayes quand même de faire genre avec ton petit pull blanc, mais bah ça, tu sais la meilleure technique du loup, c'est de te faire passer pour un agneau. Ooh. Allez, voilà. Et du coup, effectivement, ça évolue de plus en plus, puisque aujourd'hui, pour parler un petit peu tech aussi, on commence à avoir, par exemple, Discord qui est le fils de ce qu'on a des logiciels comme Mumble, TeamSpeak, qui avait Skype. À l'époque. Franchement, je trouve que c'est plus un Mumble ou un TeamSpeak. Je dirais plus TeamSpeak, hein, parce que Mumble, ouais, c'était un peu... C'est vrai. Parce que Skype, à la base, c'est quand même plus perso ou pro. Oui, ouais. Perso ou pro, ouais. Et là, c'est vraiment, à la base, orienté gamer, Discord et tout. D'ailleurs, on a un Discord. Il est dans la description. Oui, c'est trop bien. On a un salon où on peut poster des mèmes. Ouais. Et des gifs, en fait. Et on rigole. Des mèmes et on rigole trop de ouf. On peut flouder et tout. Et puis, c'est là que tout se passe quand il y a des lives. Exactement. Avec le modérateur, l'interlocuteur, le bon Ben qui s'auto-plug, hein, le gars. Ouais, bah... Oui, exactement. Je suis modérateur. Il a le melon. Il a le melon incroyable. Direct. Non, mais il a raison, il n'est pas payé, donc autant qu'il soit payé grâce mec, à la publicité. Mec, t'es tellement un bon modérateur, c'est merci, incroyable. Merci, mais le là, meilleur merci. Modérateur, ouais. Du coup, on peut l'applaudir. Allez, on applaudit le meilleur modérateur. Non, mais voilà, après... pour reparler encore un petit peu tech, je pense qu'on peut parler de tout ce qui est VR, AR. Tout ce qui est AR, par contre, par exemple, il y a eu Pokémon Go ces dernières années. Oui, qui oui. A... Est-ce que tu peux juste peut-être définir ce que c'est? Alors, AR et VR? AR, c'est Augmented Reality, donc réalité augmentée, c'est-à-dire qu'en gros, on utilise une surface numérique telle un smartphone ou un casque, et il va projeter ou en tout cas intégrer un environnement 3D dans l'univers de la réalité véritable, donc aka la vraie vie. Ah bon ? Contrairement à la VR, la virtual reality, où on se plonge dedans. Où on se plonge dans un univers qui est totalement fictif Et on va avoir un casque, des manettes, un casque de vision, un casque audio pour vraiment être plongé et immergé dans un univers qui n'existe pas. Alors que la réalité augmentée, c'est Pokémon Go par exemple. Voilà. Donc, oui, mais c'est très cool quand même la réalité augmentée. Je pense que ça va beaucoup plus se développer dans les années qui arrivent, dans le sens où par exemple pour la publicité, ça serait un capital assez important, tu vois, de pouvoir projeter où tu veux, quand tu veux, n'importe quelle pub. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Même sur les panneaux publicitaires. Par exemple, si on prend son téléphone, etc., sur un panneau publicitaire. Des trucs très interactifs. Ou même, tu vois, genre, tu ouvres une porte, il y a un projecteur qui passe un truc, tu vois. Enfin, je pense qu'on est vraiment à l'aube d'une avenir comme ça où la réalité. Une avenir ? Une. De quoi ? T'as dit à l'aube d'une avenir. Oui, la rue de l'avenir, qui est à côté de la rue Malkenon, à l'Ingolstadt. Non, d'un avenir, pardon. Je sais plus ce que je disais. Oui, on a l'aube d'un avenir où cette technologie sera beaucoup plus démocratisée et elle se retrouvera un petit peu partout. Et je pense vraiment que ça sera un atout majeur pour tout ce qui est communication et publicité. Oups, pardon. Et donc du coup, ouais, ce dont je voulais parler, c'était Pokémon Go qui quand même a, je crois que ça a commencé en 2015-2016, quelque chose comme ça. Oui, ça devait être. Et quand c'est sorti, on s'en souvient tous du raz-de-marée qu'a été cette mode. C'était incroyable. Ah, il y avait des vidéos où tu avais des rassemblements de 200-300 personnes qui couraient juste pour avoir un Pokémon. Sur 23 ans, je crois pas avoir vu des événements de jeux vidéo pareils où tu as des villes entières qui se déplacent pour aller à des événements précis. C'était incroyable. Alors qu'on se rappelle, hein, aujourd'hui, être gamer et tout, c'est normal, c'est même devenu un peu cool. Je rappelle le Z-Event l'année dernière qui a levé 1 million d'euros. Oui. Et cette année qui a lieu en ce moment même d'ailleurs. Exactement. Ouais. Et ils sont déjà à 500 000. À 13h, je crois, ils étaient à 500 000. Donc gros shout-out à Zerator. Comme quoi, le monde du jeu vidéo n'est pas trop réservé, on va dire, entre guillemets, des clichés, des boutonneux, etc. Bien sûr, mais c'est parce que. On est des gamers, on n'est pas bons. C'était diabolisé c'était diabolisé par les médias, tu vois, qui disaient « Oh là là, ils sont hypnotisés, zombifiés par les jeux. » Alors qu'en fait, comme tous ces gens, maintenant, ces gros cons sont partis, tous ces gens qui jouent aux jeux vidéo ont commencé à prendre des postes de réalisateurs, de monteurs, d'enseignants et tout. Et en fait, la culture s'est démocratisée et aujourd'hui, c'est devenu un truc totalement normal. Et même, ce qui est bien avec le jeu vidéo, c'est qu'il y a des... Pardon. C'est qu'il y a des jeux instructifs. Exact. Ou des... Docteur Kawashima. Non, c'est vrai, c'est bien, Docteur Kachem. Des vrais historiens aident à la conception d'un jeu vidéo pour justement. Ah, il n'y avait pas un jeu sur la Première Guerre mondiale, des trucs si, comme si, ça récemment. Développé par des Français, justement. Ouais, c'est ça, qui avait beaucoup fait parler de lui. Exactement. Et justement, c'est pour que l'histoire soit transmise publiquement et plus facilement. Qui est un canal de diffusion comme un autre, finalement. C'est exactement. Qui en plus a le mérite d'être interactif, donc beaucoup plus engageant avec son public. Et effectivement, oui, effectivement. Moi, je me rappelle à l'époque quand j'étais au collège. C'est marrant parce que quand j'étais à l'école primaire, tout le monde avait des cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh. Tout le monde était trop bien. Ouah, t'as vu Sacha machin. Quand on est passé au collège, c'était la pire honte. Moi, j'avais des Beyblade. Hein. C'est vrai. Putain, tu disais que t'aimais Pokémon, mais on te crachait dessus, on te tapait dessus, c'est tu vrai, vois. C'est ouf. Et tous ces gens. 10 ans plus tard, quand Pokémon Go est sorti, ils sont sortis dans la rue comme tout le monde. Premier avec le téléphone. Bref, donc c'est marrant de voir comme les temps changent et comme l'hypocrisie est très présente. Bref. Mais effectivement, ce qui était assez impressionnant avec Pokémon Go, alors c'est pas le premier jeu qui était comme ça, puisqu'en plus Pokémon Go tire sa technologie d'un jeu d'un jeu précédent de la même boîte, Niantic, qui était, je sais plus, c'était un jeu de faux hacking avec des, fallait capturer des portails dans le monde réel, bref. Et effectivement, ils ont repris les données de ce jeu, ils les ont intégrés à Pokémon Go et ils ont intégré des Pokémon, quoi. Mais c'était la première fois que les gens allaient, par exemple, à la mairie de leur ville, parce qu'il y avait ce qu'on appelait des Pokéstops, donc des endroits où on pouvait se recharger en objets et en Pokéball. Parce que moi, j'ai pas du tout joué à Pokémon Go. Est-ce que... Ah ouais, désolé. Vraiment désolé. Non, mais après, tu joues à FIFA, donc j'ai l'habitude d'être déçu. Oui, voilà. Ok. Il sort dans 4 jours, d'ailleurs. J'ai hâte de passer mes journées dessus. Yes. De rager, tu veux dire. De rager, pardon. C'est ouf, il n'y a rien de plus rageant que FIFA. J'ai déjà lancé League des manettes League à cause Legend. De... Non. League of Legends. Est-ce que tu as lancé ton ordi à cause de League of Legends? J'ai déjà cassé un clavier. Mec, franchement, League of Legends, c'est un autre niveau, mec. Oui. Bon, tu peux vouloir vraiment tuer quelqu'un. Hein. Ah oui, effectivement. Et après, les jeux vidéo ne rendent pas violents, c'est ça que... Ah si, ça rend violent, mais c'est on calme. C'est le lag qui rend violent. Non, il y a plein de choses. Ouais, donc pardon, tu dis... Je parlais de quoi déjà? Ah oui, j'ai pas joué à Pokémon Go, mais est-ce que les Pokéstops, c'est vraiment des endroits clés d'une ville? Ou est-ce que c'est au hasard? En fait, théoriquement, c'est les endroits les plus populaires de la ville. Donc, les plus visités, quoi. Cela dit, il y a une dynamique mercantile, évidemment, comme dans tout jeu vidéo avec des microtransactions. Et les entreprises peuvent payer, par exemple, un restaurant peut payer Google et Niantic pour que son restaurant devienne un Pokéstop pour attirer des gens et tout. Ah ouais. Donc, l'argent est partout, finalement. Effectivement, et c'est là aussi que tu vois que c'est assez déséquilibré parce que les gens qui jouaient à la campagne, en fait, ils pouvaient jamais avoir de Pokéstop, tu vois, il y avait rien aux alentours. Faire des kilomètres pour en avoir un. C'est ça, ou alors il fallait acheter des Pokéballs, donc raquer, en plus c'était assez cher. Et alors ceux qui jouaient à Paris, mais mon gars, toutes les rues, t'en avais des milliards, tu vois. Et le pire, c'est au Japon. Je vais vous dire, si vous jouez à Pokémon Go au Japon, alors si vous êtes un gros joueur, vous serez au paradis, genre il y a un Pokéstop tous les arrêts de rue. Et il y a tout le temps des leurres, c'est-à-dire des objets qui ont pour capacité de faire apparaître plus de Pokémon, donc il y a encore plus de gens et tout. Enfin, c'est incroyable, la Pokémania de Pokémon Go, qui aujourd'hui est quand même un peu en chute. En grosse descente, en grosse chute libre. Dès que l'été est passé, les gens ne sortaient plus. Je pense que c'est resté pendant 5-6 mois, et après ça commençait vraiment à chuter. Il y a eu une chute, en tout cas ici, parce qu'au Japon, on a vu beaucoup de gens dans les parcs encore jouer. Hein. Oh, si vous allez au parc, je crois que c'était le parc de Ueno, avec la porte qui ressemble à la porte de la vérité dans Full Metal Alchemist. Mais je sais pas si tu veux dire celle où on a passé 20 minutes parce que tu voulais filmer un truc qui finalement n'est pas. Je vois pas de quoi tu parles. Alors, et franchement, dans le parc juste à côté, le nombre de gens qui jouaient à Pokémon Go, c'était hallucinant. Une personne sur deux. Il y avait même des gens en vélo qui avaient plusieurs smartphones sur le guidon. C'était incroyable. Des gens avec un smartphone aux mains, deux batteries externes. Ah ouais, non, mais même les grands-mères, tout le monde. Ouais. C'était incroyable, vraiment incroyable. J'avais vu un reportage justement en parlant de ces personnes avec leur vélo et tous leurs smartphones. Un grand-père qui se faisait payer pour justement jouer sur le compte des autres. Donc il y avait une dizaine de téléphones sur son guidon avec deux batteries portables et tout. Bah voilà, il fait de l'argent, il a raison le papy. Bah oui. Bref. Et il est à la retraite, il passe sa vie dans ses parcs, il a trouvé un bon moyen de se faire de l'argent. Exactement. Hein. Exactement. Et là où ça se raccorde à ce que tu disais sur la compétition avant, c'est-à-dire que les gens, il y avait une dimension de combat puisque tu pouvais rejoindre des arènes. Et les joueurs qui n'étaient pas de ton équipe, enfin déjà il y avait des équipes, donc il fallait choisir entre jaune, rouge et bleu. Il y avait certaines spécificités en fonction de... J'étais bleu. C'est vrai ? Moi j'étais jaune. Sérieux ? Ouais. Waouh. Mais il n'y avait personne chez les jaunes, non ? Exactement. Parce qu'entre rouge, bleu et jaune, les gens préfèrent le rouge et le bleu. Exactement. Bah justement, c'est pour ça que j'ai pris jaune en fait. Bah j'étais sûr de ça. Parce que je suis pas un peu un esprit de... Je suis pas de rebelle en fait. T'as envie d'aller à contre-courant. Voilà, en fait, ce qui me plaisait, c'était justement de ne pas rejoindre forcément un clan qui est ultra gros et puis d'essayer d'être le clan un petit peu, tu vois, d'outsider et essayer de faire des trucs, tu vois. Je trouve que c'est plus excitant, par exemple. Oui. Waouh, bon incroyable. Bonsoir. On a eu plein de problèmes techniques dans cet épisode. L'épisode maudit, je pense. Je pense que c'est l'invité, tu sais. Donc, Ouais, on a le modérateur avec nous, donc il fallait qu'il y ait des problèmes. Non, mais on avait un câble mal branché et en plus après on doit aller rejoindre des copines, donc il fallait qu'on les prévienne et tout. Bref, allez, trêve de bavardage. On parlait de quoi là? On parlait de Pokémon Go. Voilà, de l'envergure compétitive là-dedans. Et effectivement, par rapport à ce que tu disais, il y a aussi tout un enjeu il faut essayer de se regrouper pour... il y a de la stratégie aussi, même dans un jeu comme ça, qui est beaucoup plus simple dans ses mécaniques. Et qui est, je pense, déjà fait pour une seule personne, qui n'est pas trop calée compétitif, jeu en équipe. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment ton histoire à toi. Mm-hmm. Tu captures tes Pokémon, etc. Mais... Il y a eu quand même beaucoup de complicité entre les autres joueurs de même équipe qui, justement, aidaient d'autres joueurs qui combattaient. C'est vrai. Et puis même... carrément. Et même, entre équipes, parfois, il y a des gens qui capturaient des arènes à la boucle, machin, pour... Enfin, les équipes trouvaient des astuces entre elles pour parfois se booster, etc. Donc, il y avait vraiment parfois une envergure de compétition et parfois une envergure d'entraide. Donc, c'était plutôt cool quand même. C'est vrai. Et même dans les jeux Pokémon de base, sur Nintendo DS, sur GBA et tout, depuis longtemps, il y a je sais pas combien de types de Pokémon différents, de genres, ils ont des attaques précises qui font tel et tel effet. Enfin, la stratégie est partout, finalement. J'ai que joué à Pokémon bleu, moi. J'ai que joué à Pokémon Go, je vais me faire taper, je sais. Non, il y a pas de... Les cartes Pokémon, etc. J'en avais, mais tu sais, c'était vraiment les échanges. C'est juste la dernière fois que tu viens, mais il n'y a pas de... Je me souviens encore même au collège, on faisait les espèces d'échanges où on faisait tourner des cartes, enfin tomber des cartes. Ouais. Si elles tombaient sur la face pile ou face, c'est toi qui l'avais ou quoi. C'était un jeu. Tu faisais ça ? Nous, on les volait. C'est-à-dire que... Non, franchement, mais véridique. Hein. On prenait les cartes ou alors on dit « Ah, oh, vas-y, montre et tout. » Et genre, on tapait dedans ou on faisait semblant. Et genre, dans la panique, on en prenait et tout. C'était hallucinant. Enfin, après, moi, j'ai grandi à Gotham City, mais... Attends, mais Lingolsheim, c'est vraiment la ville du crime. Mec, c'est incroyable. Franchement, j'ai eu une enfance très particulière. T'aurais pu vraiment mal tourner, je pense. Ouais. On dira pas certaines choses, mais... Peut-être pas bien tourné, mais... Voilà. Ouais. Après, j'ai un casier judiciaire, mec. Hein, quoi ? Quoi ? Pardon ? Pardon ? Non, j'étais pas trop Pokémon, j'étais plus des trucs... Tu dis FIFA, stylé, en fait. Dragon Ball. Des trucs cool. Ok, un jeu Dragon Ball avec de la stratégie, je t'écoute. Spider-Man, le 2. Sors d'ici. Non, il y avait Dragon Ball Attack of the Science sur Nintendo DS, qui était un RPG. C'est le premier RPG auquel j'ai joué et c'est le premier RPG que j'ai apprécié. Et le dernier aussi. Et le dernier aussi. Parce que Vincent déteste les RPG. J'aime pas du tout. Parce que organiser un inventaire, c'est quand même trop pour moi, en fait. J'ai du mal à jeter des choses chez moi. Et il faudrait que j'organise un inventaire virtuel, non ? C'est s'immerger. Tu veux dire s'immerger dans un jeu qui a été développé avec amour pendant plusieurs années pour t'offrir une expérience de jeu absolument unique et incroyable. Et toi, tu craches dessus au bout de 3 minutes. C'est vrai que... Mais on rappelle du jeu à FIFA, donc on peut pas... Je joue à FIFA. D'ailleurs, deux poids, deux mesures, deux intellects différents. Alors, quoi ? Non. Ah, j'ai mal. Maman, j'ai mal. Comme dirait Céline Dion. Allô maman bobo. MHD. Alors. Ah, ok. On va au Mitico, ces grands rues italiens. Super. Donc, oh bah des mini calzones. Mini calzones ce soir. Oui. Ah ok. Vous serez un peu avec. C'est calzones, d'accord. Et bah quoi ? Bah tout ce qui est mini, moi je j'aime pas. Hein. Bah pourtant. Exact. Pourquoi vous jetez des regards À ton entrejambe ? Je sais pas. Toi seul tire un message. Bon, elle est toute petite, mais on va pas. Elle est toute petite. Elle est toute petite. Ma bite, qui est un EP de Quentin, qu'il a envoyé à. Une vraie chanson que j'ai faite. Qui doit durer une bonne trentaine de secondes, je pense. Ouais, et il me l'a envoyé à moi, à Roberto, et c'est tout. Un jour, peut-être qu'on leakera des extraits. On a fait beaucoup de merde. Tout comme tu as leaké le magnifique tableau de toi avec ton chat. Ah oui, bon alors. Pour ceux qui n'étaient pas... Pour ceux qui étaient sur le live, vous savez de quoi je parle. Et pour ceux qui n'étaient pas sur le live, chais. Exact. Franchement, c'est... Le live... sera en rediffusion, mais on est en train d'ailleurs d'en discuter pour savoir est-ce qu'on fait un best-of du live ou est-ce qu'on le balance comme ça, parce que bon, 2h20 comme ça, sachant que c'était la première fois, il y a eu beaucoup de problèmes techniques, par exemple le chat sur Twitch marchait, mais celui ce n'est pas de ma faute. Qu'on diffusait dans la vidéo ne marchait pas, mais ça c'était d'ailleurs quand même ma faute. Tu sais pourquoi? Oui, en fait, il fallait que je me déco-reco sur Streamlabs et tout, bref, okay. On n'est pas là pour parler de ça, messieurs, dames. Messieurs, surtout. Oui. pensez à moi. Je propose qu'on termine avec un dernier mot chacun. Un dernier mot, mais surtout peut-être on peut name drop un jeu qui nous a marqué récemment pour sa compétition et pour sa technologie innovante. Ok. Ouais. Ben, tu es l'invité, je te laisse commencer. Alors moi, je vais parler de Escape from Tarkov. C'est un jeu développé par une entreprise russe. Justement, on parlait des Russes. Et franchement, c'est un jeu qui est très très très dur. Mais qui est vraiment axé sur le jeu d'équipe. Si t'es tout seul, tu te fais démonter. C'est vrai ? Ouais. Un peu comme Dead by Daylight, non ? Je sais plus ce que c'était. À peu près ça, mais c'est plus du côté Arma. D'accord. Donc c'est beaucoup plus réaliste et tout, genre tu peux te briser la jambe et tout. Oui, tout comme ça. Okay. vraiment. Donc franchement, si t'as les teammates, c'est beaucoup mieux. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé de Arma dans cet épisode, mais moi je serais très curieux de voir un Arma mais poussé à l'extrême, tu vois. C'est-à-dire un jeu où t'as une seule vie, mais une seule vie, vraiment, et où t'as une gestion du temps en temps réel avec sentiment de satiété, de soif, de faim, devoir faire ses besoins, devoir sociabiliser, ce genre de trucs, créer des guildes, pouvoir les trahir, devoir se déplacer en temps réel et tout. Je serais très curieux de voir ce que donnerait un jeu, enfin, en gros, transposer la vraie vie dans un jeu. Mais justement, Escape from Tarkov. C'est un peu ça ? Oui, c'est un peu ça. Bon, en fait, c'est du côté Arma, donc un first-person shooter, où tu as qu'une seule vie. Si tu meurs, tu perds tout, okay. Tout ton équipement, etc. Et donc là, dans la prochaine mise à jour, ils vont implémenter une base où tu devras aller chercher de l'essence en jeu, sans mourir, pour alimenter ton groupe électrogène, pour justement, vraiment, et tu dois aller chercher à manger, à boire, pour que ton personnage soit en pleine forme. Okay. Parce que si tu ne manges pas, si tu ne bois pas pendant X jours, ben, il est moins performant. Donc il y a une vraie gestion de santé physique. Si tu, par exemple, tu te prends une balle dans le bras, tu peux avoir le bras fracturé. Donc il faut le réparer. Sinon ton arme tremble, etc. Et est-ce qu'il y a une envergure psychologique dans le sens où. Attends, je vérifie juste si on est bon. Ouais. Est-ce qu'il y a une envergure, par exemple, si tu ne parles pas pendant assez longtemps avec un joueur, tu commences à avoir, je sais pas, des maux de tête, des hallucinations, des trucs. Enfin, est-ce qu'il y a une gestion de la santé mentale ? Ça peut être intéressant. Santé mentale, je ne pense pas. Par contre, tu peux. Pour atténuer certains effets, par exemple, voilà, fracture, etc., tu peux prendre des antidouleurs. Mmh. Mais justement, si tu en prends de trop, il y a des effets secondaires sur la vision, sur ton aptitude à pouvoir courir plus longtemps, etc. Très, très intéressant. Waouh. Ça, franchement, jouer à un jeu comme ça, ça me plairait bien. Et du coup, niveau technologie, vite fait, une technologie dans le jeu vidéo qui t'a marqué, là. Ou qui va te marquer, ou tu attends un truc, peut-être. Hein. Une technologie dans le jeu vidéo, je dirais les... C'est moi ça ? Non, c'est moi. Je parle. On veut parler de jeux vidéo, laisse-moi tranquille. C'est le mien, excusez-moi. Je dirais les. Tu sais, les tapis qui t'immersent dans le jeu. Donc tu es sur un tapis à 360 degrés. Ah oui, oui. Et justement en avec VR. Ouais, et du coup tu peux te déplacer et tu te déplaces vraiment. Ouais, ça, c'est vraiment très intéressant. Mais t'as déjà testé, non ? Non, non, jamais, non, c'est encore très privé. J'ai vu très peu de prototypes. Ouais, c'est que des conventions, exact. Ou des trucs comme ça, je pense. Mais ça a l'air effectivement très intéressant. Ouais. Et là, on passera vraiment, je pense, une step majeure dans le jeu vidéo, oui. Avec vraiment une immersion et physique. Même, en fait. Je dirais la vie virtuelle, parce que après, on pourrait peut-être, comme dans Ready Player One, aller voir ses amis, etc., sont super loin. Bien sûr, donc, bien sûr. Après, bon, je pense qu'on n'est quand même pas tout de suite au stade de pouvoir... Tu vois, là je te touche, et il y a énormément de sensations, tu vois, par le toucher et tout ça. Donc, on est prêt. Bah, je pense que dans un FPS où tu as juste une arme à tenir... Pourquoi toujours tuer des gens, ça, en fait, je comprends pas. Ah, moi j'aime bien tuer pourquoi des gens. Pourquoi pas faire à manger. Mais seulement dans les jeux vidéo, chat, alors, la police. Non. Non, mais je sais pas. la dimension de de viser et tout dans les jeux vidéo, j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que ça montre vraiment. Hein? Attends, mais tu t'es épicé dessus là. Waouh, le pipi. La blague pipi. Avant, vous aviez fait une blague sur le fait que ma zigounette était toute petite, mais écoute, je suis extrêmement heureux que tu le rappelles toi-même. Ça fait plaisir. Bon, du coup, juste à terminer avec ce que tu disais, qu'on puisse aller manger. Oui, c'est vrai. Je sais plus ce que je disais. Si, non, en fait, je sais plus. J'avoue que moi, avec ce qui s'est passé, je t'ai goûté de moitié. Attendez, ah oui, la dimension des FPS qui me plaît, c'est de pouvoir. En fait, c'est très skill. Ouais. De viser, la rapidité de viser, de tirer, de... Le dynamisme, de l'action. Le dynamisme et l'action, et de tout prendre en compte, le fait que l'arme bouge vers le haut, enfin, si t'as un fusil à pompe, machin et tout. Enfin, je trouve ça très, très stylé parce que... En fonction de l'arme, tu bouges plus ou moins vite en plus. C'est ça, exactement. Et du coup... ça donne vraiment une dimension de « Ok, c'est qui le meilleur avec une souris et un clavier, tu vois ?» par rapport à d'autres jeux. Parce que t'as quelque chose à prouver, on le rappelle. Exactement. Oui. Bah, comme elle est toute petite, j'ai besoin de ça, en fait. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Et toi, Quentin ? J'ai pas encore de grosse voiture. Alors, je vais finir, effectivement, mais je te demande peut-être encore la tech, oui. Niveau tech. Niveau tech, j'avais pas vraiment de tech, mais plutôt un jeu, et c'est Rainbow Six. Okay. Qui m'a marqué. Ah, il y a des chiens qui crient, d'accord. Ouais, donc Rainbow Six. Ah, ils crient comme ça. Attends, bon, j'arrête. Des chiens qui font aou, aou, aou, aou, aou. Du coup, ouais, Rainbow Six, si on rappelle, est effectivement une technologie. Hein. Que, ce qu'on demandait bien à la base. C'est ça, exactement. Parce que bah, c'est en fait la stratégie, mais poussée à l'extrême. On a vraiment très peu de vie dans le jeu, dans le sens où 2 balles suffisent vraiment à tuer, et il faut vraiment barricader l'endroit où la bombe est posée ou protéger la bombe de la meilleure des manières possibles, et il y a des pièges de partout, ceux qui doivent déjouer les pièges et tout, ils doivent être intelligents, enfin franchement c'est vraiment pas mal. Okay. Ça fait bizarre de jouer à un FPS où c'est très punitif. La moindre erreur peut te coûter ta partie. Et surtout, dans les FPS, on a souvent l'habitude de dire « Oh non, le mec, il est en train de camper et tout !» Parce que les mecs qui restent dans un coin et qui attendent qu'on passe une porte, c'est un peu énervant sur certains jeux. Mais là, le but, c'est de jouer comme c'est ça. C'est normal, oui. Donc, le but, c'est l'ennui, en fait. Non. Non. D'accord. Okay, non. Non, non, mais il n'y a pas de soucis. Bah, si on repart à la réalité, tu ne vas pas te balader en courant avec une arme à la main. Alors, mourir dans un jeu vidéo... Mourir et du coup, il n'y a aucune gravité. Mourir dans la vraie vie, et du coup, c'est terminé à tout jamais. Bon, est-ce que c'est vraiment comparable ? Oui, franchement, oui. Et si on doit parler d'une technologie, yes. La PS4 Pro. C'est une blague, j'espère. Ce n'est pas une technologie, c'est un produit. Mais en plus, ouais, ok. Qu'est-ce que. Pour... Non, vraiment non, ou pas ? En fait, non, pas du tout. C'était juste une blague. Mais bref. Ah, ok, d'accord. Non, j'ai pas de technologie qui me vient en tête. Même peut-être par rapport à ton enfance, peut-être. Peu importe. Non, j'ai bien aimé. J'aime bien la Switch. Ok. Je trouve ça vraiment cool que ce soit une console portable, mais qu'on puisse brancher très rapidement, très facilement un écran. En plus, ça améliore ton expérience de jeu, puisque le jeu docké, c'est-à-dire une fois que la Switch est dans son port, ouais. Alors que quand elle est portable, c'est très différent. Tu gagnes des FPS, tu gagnes. Exactement. Et aussi, ce qui est dingue, je trouve, c'est que. En ayant juste la console et en l'emmenant avec toi, par exemple, en voyage et tout, avec un pote, on peut jouer à deux sur le même écran, sur le même petit écran et tout, et avec deux manettes embarquées, en fait. C'est... Hashtag Mario Kart Deluxe quand on allait au Japon dans le Air China. Non, ça va, parce qu'on avait tous les deux la console. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, à ce moment-là. Tu te rappelles que on était là en mode oh, putain, il faut économiser la batterie et tout. Il faut que ça tienne jusqu'à ce qu'on se rende compte à la fin du trajet qu'il y avait des prises en fait. On l'a déjà dit dans le vlog du Japon, c'est vrai. Mais ça nous a vraiment marqué. C'est vrai. Ouais. Moi, c'est encore à l'heure actuelle mon plus gros traumatisme. Ça va ? Attends, mais je croyais que tu avais eu une enfance difficile. J'ai fait le Vietnam, mais pour moi c'est une banalité. Attends, comparé à ça. T'as quel âge ? Bah, tu me donnerais quel âge ? Bah là, 13 ans, un petit peu plus. Ouais, je suis gentil, je te donne 54. Ouais, exactement, bah pile. Tout pile. Mais attends, mais t'as quand même pas fait le Vietnam, hein, si t'as 54 ans. Je comprends pas ce que tu dis. À cause de mon âge, je t'entends pas. Bah... Du coup, niveau jeu vidéo, j'ai envie de name drop... alors, qui vient de sortir très récemment, en 2 secondes, Link... enfin le remake de Link's Awakening, Awakening sur Switch, parce que je trouve que la DA est vraiment très particulière, très cartoon, mais toujours en 3D avec cette impression de maquette, avec la profondeur de champ qu'ils ont mis sur le jeu. Il est vraiment très très beau. Il est vraiment très beau. Alors malheureusement, on m'en a dit assez du mal, dans le sens où parfois dans les zones où il y avait beaucoup d'ennemis, ça laguait un petit peu. Ah ouais. Ce qui est assez étonnant pour un jeu qui visiblement ne prend pas trop de ressources. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est quand même 60€ le remake d'un jeu qui se finit en 8 heures. Bon, calmons-nous peut-être un petit peu quand même. Oui. Mais le jeu, à part son prix, a l'air absolument délicieux et très sympathique à jouer. Mais j'avais envie de parler attends, mais ne repense pas à ce qu'il y avait là, il y a 6 ans, mais à chaque fois j'ai des flashs comme ça. L'an prochain il faudra dire des flashs du Vietnam. Non, des flashs d'il y a 6 ans, c'était le Vietnam. Non. Non, effectivement, j'ai envie de name drop Phoenix Wright, un jeu dont on ne parle jamais. Finesse, j'étais sûr que tu allais parler de ça. Ça reste à l'heure actuelle, je pense, mon jeu vidéo préféré qui n'a rien à voir avec tout ce, qu'on a, tout ce dont on a parlé ici. En fait, c'est un jeu de simulation d'avocat et de point and click. Donc, en gros, il faut mener avocat, son... Avocat, le... Le fruit, oui. Le fruit, ah oui. Oui. Bah, on roule par terre et on attend de pourrir, en fait. Y a pas de, ah, y a... bah, ça pourrit très vite, donc... 3 jours hein, de jeu, hein. Ça, c'est la durée de vie. C'est pas beaucoup. Hein. Non, mais par contre, il y a vraiment un jeu qui est sorti il y a quelques années où on pouvait jouer, par exemple, une pierre. Et voilà, on était une pierre. Après, on pouvait jouer un arbre et on était un arbre. Ouais, mais on pouvait bouger ? Alors, je crois qu'il y avait une dimension où on pouvait bouger, mais bon, bref. Et effectivement, Phoenix Wright, si vous cherchez une dimension de jeu qui est aussi stratégique, puisqu'il faut essayer de présenter des preuves, interroger des gens, faire le contre-interrogatoire, c'est-à-dire essayer de les piéger sur ce qu'ils disent et tout, c'est très, très intéressant. Il faut même, on va dans des lieux pour choper des objets et tout, c'est vraiment très cool. Les musiques sont incroyables. Il y a des retournements de situation qui n'ont rien à envier au cinéma. Réellement, je pèse mes mots. Et vraiment très cool. C'est super bien écrit. Chaque caractère est différent. C'est lui le coupable. Et le coupable dit non. Et franchement, Phoenix Wright, c'est vraiment, vraiment... Il y a eu plusieurs opus sur DS, sur GBA et tout. Et j'en profite pour replacer la Switch là, parce qu'ils ont sorti cette année, je crois, une version remaster du jeu, des 3 versions sur Nintendo DS, donc avec graphisme et dessin en HD. Et en plus, le patch FR, donc la langue française, est sorti il y a 1 mois. Et, la langue alsacienne, c'est quand ? J'espère jamais, parce que ça serait bizarre. Non, c'est juste pas le principe du jeu. Et en technologie, j'ai envie de parler moi, j'ai envie encore une fois de rappeler et peut-être d'interroger les spectateurs sur comment pourrait évoluer la réalité augmentée. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, par exemple, comment vous voyez la réalité augmentée, comment est-ce que ça a pu vous toucher peut-être déjà, et comment vous voyez ça dans le futur. En tout cas, je suis persuadé que dans les années qui arrivent, ça va énormément se développer, et surtout dans le quotidien, on va avoir de plus en plus de lieux où la réalité augmentée sera implémentée, et les lieux publics deviendront interactifs, avec des hologrammes, des choses comme ça. Et je suis très curieux de voir les débordements, forcément, parce que quand on a des technologies comme ça, il y a toujours des débordements. Mais ça va aussi apporter des nouvelles manières de diffuser, des nouvelles manières de profiter d'un lieu et tout. Et ça peut être très intéressant. Je suis très curieux de voir ça. Qu'est-ce qu'on va en faire ? La créativité de l'homme n'a pas de limite. Oui. Donc je suis très curieux de voir ça. Et puis, voilà. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Un petit like. Un petit like, ça fait plaisir. Partager, ce serait incroyable. Partager, alors. Et un petit commentaire pour répondre au sondage de Quentin. Exactement. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la réalité augmentée ? Vous avez forcément déjà eu affaire à la réalité augmentée. Par exemple, même les emojis, en fait. Les mémojis, par exemple. Excusez-moi. Ça, vous savez, sur iPhone, c'est... C'est pas les animojis ? Bitmoji ? Non, ça c'est Snapchat. Snapchat, ouais. Mais je crois que les... Ah, les animojis, je crois qu'on dit mémojis. Hein. On dit mémojis maintenant ? Ça a peut-être changé depuis qu'on a plus de personnalisation au niveau de la tête. Alors, on va prenons l'ancien nom qui était donc les animojis. Et en fait, ça capte la profondeur de votre visage en 3D. Et après, ça restitue dans l'iPhone ou dans les smartphones. Parce que j'imagine que maintenant, il y a des équivalents peut-être. Chez Samsung. Enfin, oui, chez Samsung, il y a un petit peu pareil. Mais des trucs comme ça. C'est moins performant peut-être. Bon, après, voilà. Et, voilà, c'est Samsung, quoi. Wow. Huawei. Peut-être une dernière marque. OnePlus, allez. Non. Wiko. Bref, et du coup, effectivement, donc là, même ça, c'est un exemple de réalité augmentée, mais on va dire peut-être inversée à la rigueur, puisque c'est pas un contenu qui est projeté dans le monde, mais c'est plutôt le monde qui est projeté dans la surface numérique. Bref, très intéressant. Il y a beaucoup d'applications qu'on peut. Puis même que peut-être à l'avenir, on pourra scanner et peut-être même projeter en temps réel des tatouages sur les bras, peut-être même des organes chez des gens qui... Voilà. Donc, il y a énormément d'applications, que ce soit médicales, culturelles et tout, et je suis extrêmement curieux de voir comment ça va évoluer. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui, exactement. Un dernier mot, Vincent. Moi, je vais dire casquette. Un dernier mot, Ben. Anticonstitutionnellement. Okay, voilà. Le mot le plus long, le mec veut avoir la plus grosse, mais bon, vas-y. Pour ma part, ça sera juste amitié. Parce que c'est le podcast de l'amitié. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, prenez soin de vous, car c'est le plus important. Et à la prochaine.